Qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi, je fais de la boxe et du badminton. Et toi? Je fais du volley-ball, mais mon sport préféré, c'est le yoga.